Quand une civilisation atteint un très haut niveau de raffinement, elle est dans la merde. Il arrive des barbares puis ils mangent une volée. Puis ça a tout le temps été le Ben, même. c'est-à-dire, s'ils cultivent pas l'art de la guerre. Ben non, ils sont rendus à faire des poèmes, puis on a entretenu les gens dans une culture jusqu'à un certain point, d'oisiveté jusqu'à un certain point. Comme quand j'étais enfant, on disait que la technologie allait amener la société des loisirs. Puis pendant ce temps-là qu'on se ramollit, ils nous préparent des invasions barbares quelque part. Puis finalement, ils font venir du monde que est-ce qu'on va avoir la capacité de. Je veux dire, il y a bien du monde qui haïssent l'Occident. Puis bon, ben c'est ça. Il y a bien du monde qui. Pour eux autres, c'est la culture la plus méprisable. C'est sûr, parce qu'ils ont tout fait, ceux qui gouvernent en arrière des rideaux, pour qu'elle soit méprisable, la culture. On a été élevés, pour devenir des gens méprisables, quelque part, là. Ou est-ce que par exemple en Iran, l'homosexualité est interdite, voire les gens peuvent connaître la peine de mort. Puis ici, on enseigne gros comme le bras l'idéologie LGBTQ+, avec les transsexuels, les drag queens, que tout ça doit être accepté socialement et accueilli à bras ouverts. Ben, ça, on le voit pendant l'attaque du Hamas. Il faisait un rave le samedi. Le samedi, t'es même Oui, pas en supposé avoir le Israël. droit d'allumer un briquet, là. Eux autres, ils étaient sur le gros party, puis on voit, ils sont beurrés de tatous, les anneaux d'en face. Ils prennent probablement de l'ecstasy, toutes sortes d'affaires. C'est sûr que la gang qui arrive dans le tas, pour eux autres, c'est du monde méprisable. Ils viennent, dans le fond. Ils attaquent du monde que c'est pire que des animaux à leurs yeux. Mais il reste que moi, jamais. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ça? Pourquoi qu'il y a des. Moi, ça me surprend qu'il y ait des sionistes athées des mouvances LGBT en Israël. J'ai jamais compris. Il y a de quoi là-dedans qui marche pas? C'est des schizophrènes. Ça marche pas, là. C'est pour ça qu'on a eu cette attaque-là, je me voyons donc. Là, mais on le sait que c'est le même dans le coin de Tel Aviv. Tandis qu'à Jérusalem, fait des marches de fierté LGBT, ils ont de la misère. C'est plein d'orthodoxes à Jérusalem. Mais même les chrétiens et les musulmans sont pas contents, là. Mais il reste qu'à Tel Aviv, la station balnéaire, c'est comme la place que. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre toutes les jeunes. Des jeunes qui sont, dans le fond, qui sont issus du judaïsme, puis qui ont des mentalités woke, Ben, qui sont sionistes en plus, je comprends pas comment ils viennent à bout d'avoir une logique dans leur tête, c'est de la schizophrénie.